gamin. Dans le regard des autres, on dit d'amour, mien et vôtre. On dit d'amour quand il n'y a plus d'eau fraîche. On dit d'amour tout au fond de la dèche. Laisse briller, éclairer, laisse venir, laisse aller. J'ai envie d'amour. Envie d'amour. Sous le vent de la pluie. Envie d'amour. Laisse-le vivre sa vie d'amour. Envie d'amour. Envie d'amour. Je mange dans ta main. Envie d'amour. Et je bois à ta bouche. À l'amour, sa liberté. Sa vie.